Лисет Корбу. Прослушайте текст и скажите, почему девушка отправилась на поиски своих братьев. Il était une fois un homme qui avait sept fils et pas de filles. Pourtant, il désirait très vivement en avoir une. Un jour, sa femme découvrit qu'elle attendait un nouvel enfant. Et il fut au comble de la joie quand il sut que c'était une fille. Elle était très jolie, mais elle paraissait si faible qu'il décida de la baptiser sur le champ. En toute hâte, il envoya ses sept fils à la source pour rapporter l'eau du baptême. Mais ceux-ci, dans leur précipitation, laissèrent tomber la cruche dans le puits. Ils ne savaient plus que faire et ils n'osaient pas rentrer à la maison. Pendant ce temps, le père attendait, très en colère, parce que ses fils ne revenaient pas et que la petite allait peut-être mourir sans avoir été baptisée. « Ils se seront attardés pour jouer en chemin, » pensa-t-il. Puis il s'écria, « Ah, je voudrais qu'ils soient tous transformés en corbeaux !» Aussitôt, il vit sept corbeaux passer au-dessus de la maison, dans un grand bruissement d'ailes. Les parents furent très tristes d'avoir ainsi perdu leurs sept fils, mais, pour leur consolation, la petite fille survécut, grandit et devint de plus en plus belle. Très longtemps, elle ignora qu'elle avait eu des frères et en quelles circonstances ils avaient disparu. Quand elle l'apprit, elle eut beaucoup de chagrin et décida de partir à leur recherche pour les délivrer de l'enchantement. Elle emporta une bague, un pain et un couteau.